J'ai un SM appel anonyme. C'est lien clivé de la cocaïne à mort. Je suis connu pour chacun de mes délits. Le casier est lourd, ils ont mes paluches à mort. On détaille tout, on laisse pas trace. Cellulaire intraçable, affaire est noire. On se fait tous rare comme des cafards. Si je vais tout, j'attends mon colis au Détroit. Ah, c'est donc ça la vie. Entouré, salami. Ils sont là quand ça va vite. Pas quand ça sort, salami. Everyday, sur synthé, sur le synthé, mais pas chez Lutani. Revente de vitamines, j'ai vite changé d'amis. J'ai pris l'oseille, j'ai vite changé d'habit. Je suis un costard comme Bumpy. 300 000 balles dans le jumpy. J'ai grandi, je suis le gérant du four. C'est plus moi qui sers les junkies. Bandit dans la cocaïne. On a aussi de l'amnésie. J'ai le code de la mafia. 635 comme Totorina. Le commissaire a tout mis sous ses léchés dans une sale histoire. Le poster a tout mis sur la feuille de coups comme ça pas d'histoire. Je me fais tout seul, je ramasse l'oseille, tout ça dans le noir. Trop connu la haine, je me débrouille tout seul et c'est moi dans le noir. On a aussi de l'amnésie, j'ai les codes de la mafia. 635 comme Totorino, bandit dans la cocaïne. On a aussi de l'amnésie, j'ai les codes de la mafia. 635 comme Totorino. Fini dormir là, faut se remplir les poches. J'en ai marre de viser les dés sous le porche. J'ai plus trop d'ennemis depuis que j'ai mon Glock. J'ai toujours la puce du calais dans le froc. Dans la zone, tout le monde me connaît. J'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'en suis pas fier. À skip, c'est nous les gros bonnets. Mais c'est fini là, c'est qu'on veut changer d'air. J'ai un outil prêt pour la monnaie. J'suis monté sur plusieurs coins avec mes frères. Mais tu connais, c'est la vie et ton confrère, rien, c'est la chute. J'suis un monstre comme Bumpy. 300 000 balles dans le jumpy. J'ai grandi, j'suis le gérant du four. C'est plus moi qui sers les junkies. Bandit dans la cocaïne. On a aussi de l'amnésie. J'ai le code de la mafia. C'est 35 comme Totorino. Oh!